Alors, on est le 17 juillet 2008. Alors, vacances avec Karine à Latania. Alors, à Latania, ça se trouve entre Courchevel et Méribel, dans la Tarentaise. Alors, dans la Tarentaise, il y a les fameuses trois vallées. Celle qui est la plus à l'ouest, c'est Courchevel. Ensuite, Méribel, celle du milieu. Et ensuite, les Menhirs. Oui, les Menhirs, je crois que c'est la station la plus connue. Quoique, au fond de cette vallée-là, il y a aussi Val Thorens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que alors, ces trois vallées-là se disent ensemble parce qu'elles ont un domaine skiable connecté, qui permet donc aux skieurs d'aller d'une crête à l'autre et de choisir où on redescend. Et donc dans la journée, on peut facilement aller des Menhirs jusqu'à Courchevel et en passant par Méribel et revenir. Mais en fait, il y a quatre vallées. Il y a la vallée de Pralognan-la-Vanoise, qui est la plus à l'ouest, mais qui est plus sauvage et qui n'est, dont, le, dont, dont le réseau skiable alpin n'est pas connecté en fait aux autres. En randonnée, si. Mais bon, faut le faire. Donc nous sommes à Latania. Alors Latania, c'est entre Méribel et Courchevel, donc c'est pas sur la crête, puisque là non, y a rien. C'est en fait vers la vallée centrale de la Tarentaise, au-dessus de Bozelles, et un peu plus à l'ouest, on trouve Bride-les-Bains. Alors, j'ai envie de raconter rapidement les randonnées qu'on a faites. Alors, la première randonnée, voilà, c'était vraiment pour découvrir. On partait de Latania et on est parti vers l'est, vers Courchevel 1650, parce que il y a plein de Courchevel partout. Hein, attention. Alors, pour ce faire, on est passé, on a monté légèrement au-dessus de chez nous. Non, on est parti au même niveau et on n'est pas descendu, on a légèrement monté. Du coup, on s'est retrouvé au-dessus du Prat. Le Prat, qui s'écrit le Praz, c'est une station, une petite station, mais plus grande que Latania, qui est à l'ouest de Latania. Alors, cette station doit être à 1300 à peu près. Elle est aussi appelée d'ailleurs Courchevel 1300. Parce que Courchevel, il phagocyte un peu tout, hein. Il y a un Courchevel 1550, un Courchevel 1650 et un Courchevel 1850. Et donc il y a même parfois, on peut lire des pancartes avec écrit Le Prat, Courchevel 1300. Bref, donc on passe au-dessus de ça et ensuite on est allé jusqu'à Courchevel 1650. Alors là, on était un peu perdu dans les pistes de ski. Donc c'était pas toujours très agréable certaines pistes parce qu'on les remontait raides. Bon. Et arrivé à Courchevel 1650, on a visité un tout petit peu. Bon, bien sûr, il y avait de beaux chalets, mais c'était un peu mort. Peu habité, forcément, on est l'été, mais enfin tout de même, une impression un peu de vide. Et même s'il y avait de beaux chalets, l'artère centrale n'est pas très belle non plus. Donc voilà. Donc là, c'était pas une très grande randonnée, mais enfin pour nous, c'était déjà un bon début. Hein, notre première randonnée, on a senti quand même un peu la fatigue dans les montées. Donc on a mangé un petit encas rapide, une pomme, une banane à Courchevel 1650, avant de rentrer. On n'est pas rentré par la même route. On a réussi à prendre une route, ah oui, assez belle. On est passé, je crois que c'est là. On est passé par une route au milieu des bois au retour. Et là, c'était un très beau petit sentier dans lequel on oubliait complètement qu'il y avait des gros axes skiables pas très loin et des remontées mécaniques aussi pas très loin. Donc, on est arrivé cette fois au-dessus de la Tania avant de redescendre. On a dépassé légèrement Latania, on était, je sais pas, 100 mètres au-dessus, peut-être un peu plus, peut-être 150 mètres, voire 200 mètres. Et puis on est redescendu, alors comme c'était notre première rando, là, tout ça nous impressionnait beaucoup. Et alors il faisait pas très beau, hein, c'était le premier jour, là, on était à la limite des nuages tout le temps, et avec beaucoup de crachins, voire de pluie même, mais on était équipés, donc tout se passait bien. Donc ça, c'était notre première randonnée. Ensuite, le deuxième jour, forcément, eh ben, on a fait plus fort. Cette fois, on est parti de Méribel Village. Alors, Méribel Village, quand on part de La Tagna et qu'on va dans la vallée de Méribel, c'est la toute première ville, petite station, disons, que l'on rencontre. Alors, c'est sans doute le Méribel originel. C'est assez mignon. On passe quand même par un autre petit bled entre les deux, ça s'appelle Le Plantain, tout petit. Peut-être dans 20 ans ce serait comme La Tagna, mais pour l'instant c'est pas grand. À Méribel Village, des chalets, on a trouvé notre départ de randonnée et on est parti. Alors là on a marché, on a fait une belle marche hein, qui a duré quand même un petit peu. Le temps était intermédiaire, plutôt beau en bas, mais malheureusement quand on est arrivé tout en haut, on était dans le nuage. Mais pas de pluie. Donc, on est parti au départ à un environnement de forêt. Alors, donc, de Méribel Village, on est parti en lacet dans la forêt, de grands lacets assez larges. Et on est arrivé sur une petite crête, magnifique, vraiment. Alors, même un petit sommet, en fait, mais qui était le début d'une crête qui allait vers le rocher de la Lauze, ou plutôt le col de la Lauze, parce que le rocher lui-même n'est pas accessible a priori, disons qu'il n'y a pas de chemin qui y mène, même si bien sûr tout est possible, mais enfin. Donc on est allé à ce petit sommet qui était autour de 1000, autour de un peu moins de 2000 mètres en fait. Et nous on était parti de Méribel Village qui est à peu près à 1500 mètres. Alors c'était amusant parce que tout au long de la route, on voyait les pancartes qui indiquaient l'Altiport, le fameux Altiport de Méribel, qui n'est pas au-dessus de Méribel Village, mais plutôt au-dessus de Méribel. Alors Méribel, ça veut dire quoi? Méribel les a lus. Méribel, il y a un autre nom de bled d'ailleurs, qui est le véritable nom de la station. Bon, peu importe. Ah, j'ai ma carte. Si, je vais quand même utiliser la carte pour donner des noms précis pour repérer. Alors, je rectifie tout de suite. La première randonnée, c'était à Courchevel 15. On est arrivé à Courchevel 1550 et pas 1650. Hein, voilà. Donc, Méribel Village. Ouais. Ça, c'est le. Donc, j'ai dit, c'est le point de départ de notre randonnée. On voyait beaucoup d'indications vers l'Altiport, qui est au-dessus de Méribel les Alus. Mais en fait, le vrai nom de bled, c'est Mussillon. Mussillon, mais qui a été rebaptisé, bien sûr. Les Alus existent aussi, qui est un peu plus bas dans la vallée. Et du coup, on a appelé ça Méribel les Alus. J'imagine que Méribel dépend de la commune des Alus. Il y a un troisième Méribel un peu plus loin qui s'appelle Méribel Motaret, j'en parlerai plus loin. Donc, démarrage donc de Méribel Village, on monte. Alors le petit sommet, est-ce qu'il a un nom? Non. On est passé dans la forêt du Fontani et dans le Grand Bois. Donc quand on est arrivé en haut, le chemin était superbe sur la crête, hein, vraiment dans une forêt avec de belles vues de chaque côté. C'est vraiment à gauche et à droite, on voyait à des kilomètres, parce qu'on était vraiment sur la crête. Et on visait le col de la Lauze, mais on ne l'a pas atteint. Pourquoi? Bien sûr pourquoi, c'est la question qu'on se pose. Ben, alors, non, physiquement nous aurions pu. Mais en fait, voilà, il était 17h, mais surtout le nuage descendait, il était à. Bon, on était presque dedans. Et puis là-haut, il faisait frais, bon, en plus, on était encore un peu jeunot, là, deuxième journée, bon. Donc on a assuré, on est redescendu, bon, après avoir été autour de 2100 à peu près. Donc c'était bien déjà, bon, on avait fait nos 600 mètres de dénivelé tout de même. Alors on est redescendu en élargissant. Vers le sud, au-dessus de Méribel, les Alus, donc en passant par l'Altiport. Mais l'Altiport lui-même, bon. Mais surtout, vous voyez le golfe. Le golfe qui est autour de l'Altiport, juste au sud de l'Altiport. Et on le voyait du haut d'ailleurs. Et le golf, c'est toujours sympa parce qu'il était sous le soleil. Nous, on était dans le nuage quasiment et on voyait le golf éclairé par le soleil. C'est assez beau. On est redescendu par là. Et puis après, une route pas désagréable finalement, où on a fini par atteindre Méribel Village à nouveau. Par des sentiers même pas indiqués sur la carte. Hein. Attention. Donc c'était une bonne randonnée qui nous a pris 6 heures peut-être. C'était une assez longue quand même. Ouais. Donc voilà, ça là on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on a fait mieux que le premier jour? Bon, mais ça c'était sans compter le troisième jour. Alors le troisième jour, on est reparti vers Méribel, mais cette fois on est allé. On a passé Méribel Village, on a passé Méribel les Alus, on est allé jusqu'à Méribel Motaret. Méribel Motaret qui est à 1700 mètres. Et là, on avait un but non avoué, enfin, si avoué entre nous, mais pas aux autres. C'était d'atteindre le sommet de la Solire et de redescendre par la télécabine. Parce que c'est vrai que monter, c'est agréable, mais descendre, bon. Et là, donc, ça faisait 1 km de dénivelé. Le sommet de la Solire qui est entre Courchevel et Méribel. Voilà. De chaque côté, il y a une télécabine d'ailleurs. Donc là, on avait vérifié, il était actif, la télécabine du pas du lac, du pas du lac. On s'était renseigné même sur les tarifs, c'était amusant parce que c'est 6 euros la montée. Et gratuit la descente. Alors ça nous arrangeait, nous, hein, forcément. On se demandait d'ailleurs, un peu surpris. Un peu surpris que ce soit gratuit de descendre. Et finalement, on a compris quand on est sur place que 95% des gens, à peu près, peut-être plus, se contentaient de monter par la télécabine. Leur sport était de descendre ensuite à pied. On les croisait, nous. Alors, ils descendaient à pied ou en VTT, bien sûr. Alors là, ça y allait, là, hein. Il y avait même des petits conflits entre les randonneurs et les VTT. Alors nous donc on voulait simplement descendre. Donc on est monté. Alors le problème bien sûr c'est que on l'a payé ça, on l'a payé je dirais notre descente gratuite par télécabine par le fait que on avait un temps limité parce qu'il fallait absolument attraper la dernière télécabine du Solir qui était à 16h45 en gros quoi. Donc on avait nous bon normalement c'était bon hein, on avait 4 heures. Sauf qu'on savait pas du tout combien de temps il nous fallait pour monter 1 km. Et à la pancarte, tout en bas, à Méribel Motaret, qu'est-ce qu'on voit? 2 heures. On se dit, oh, tranquille, 2 heures. Par contre, ça nous surprenait un petit peu, 2 heures pour monter 1 km. Et on avait raison d'être surpris parce que 2 heures, en fait, ça doit être possible pour quelqu'un de bien entraîné qui monte sans faire de vraies pauses, quoi. Qui monte sec, quoi. Qui monte peut-être avec 2 minutes de pause au milieu, c'est tout. Là, effectivement, 2 heures, c'est possible. Mais, pour des gens normaux, 3 heures c'est bien. Et on a mis 3 heures. Donc on a fait ouais, des petites pauses, mais pas longues justement, parce qu'on sentait bien que on savait pas combien de temps il nous fallait pour arriver en haut et quelle fatigue on aurait une fois en haut. Et voilà, la montée s'est bien passée, on a mis 3 heures. Et puis là-haut, surtout, on a pu profiter un peu de l'heure qu'on avait. Donc on est allé, il y avait 2 restaurants d'altitude. Donc on est allé sur chacune des 2 terrasses, on a bu un coup sur chacune des 2. Moi j'ai pris une bière tiède d'un côté. J'imagine qu'en altitude la bière est tiède. Alors le thé de Karine n'était pas assez chaud. Ma bière était trop chaude. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors je sais qu'en altitude, bon, l'eau ne bout pas à 100 degrés. Hein. Bon, elle bout à peut-être là, on était à 2007. Peut-être que l'eau bout à 82 degrés là-bas, j'en ai aucune idée, mais c'est peut-être dans ces eaux-là. Et donc, bref. Enfin, ça explique pas pourquoi la bière n'était pas fraîche. Hein, ça. Donc, c'est l'avantage de redescendre en télécabine, on ose prendre une bière, alors qu'on sait qu'on va avoir encore. Parce qu'on sait qu'on n'a plus d'efforts importants à faire. Et puis après, on a changé, donc on est allé dans le restaurant qui domine plutôt le Courchevel. Et là, bon, moi je vous raconte par le menu. Hein. Donc là, d'abord, on a vu le Mont Blanc, hein, parce qu'on voit très bien le Mont Blanc. Il faisait très beau, contrairement aux 2 premiers jours. Là, il faisait très beau. On savait qu'il faisait beau, donc on s'est dit qu'on allait aller grimper assez haut. Et on voyait donc le Mont Blanc, et on voyait aussi Donc on voyait Courchevel un petit peu, mais surtout donc on a bu un autre coup. Là, je sais plus ce qu'on a pris. Moi j'ai pris un thé cette fois qui était chaud. Et Karine, je ne sais plus. Elle n'a pas pris de bière, hein, on n'a pas inversé. Enfin bref. Donc voilà, donc on a traîné une heure là, on était bien. Et effectivement, il y a un peu moins d'air. Et surtout, tout en haut, il y avait une. Pour atteindre les restos, il y avait une espèce de pente abrupte. Qu'on n'aurait pas eu à faire, bien sûr, si on avait pris la télécabine, mais nous, on l'a prise pour descendre, donc. Alors, la pente abrupte, terrible, quoi. On aurait pu prendre une longue route, je crois, qui nous évitait ça, mais c'était pas très agréable, c'était vraiment la route, bon. Enfin, une route pas bitumée, mais une route quand même, bon. Donc, nous, on a évité, on a pris un petit chemin qui était à 45 degrés, quoi. 45 degrés sur quelques centaines de mètres. Pas beaucoup, mais peut-être ouais, 300 mètres, peut-être. Oh, j'exagère. 200 mètres. Le problème, bon, il y a du bruit, excusez-moi. Le problème, c'est surtout qu'on était à 2007, qu'on avait déjà monté un kilomètre à peu près, et qu'on était cuit. Donc c'était... On a souffert, là, sur les... Voilà, et puis on a attrapé la télécabine, petite émotion, là, et hop. Et finalement, on est rentré en 10 minutes. Donc, finalement, une marche de 3 heures seulement. Alors certes, un bel effort, un kilomètre de dénivelé, c'est pas rien, mais bon, une randonnée de 3 heures, à la fois fatigante, mais on n'a pas tapé dans les réserves. Enfin, on était fiers de nous, on était très fiers, on est rentré tôt, on était contents. Et je raconterai un peu plus tard la randonnée d'hier, donc une randonnée d'anthologie. Voilà, à plus tard. Alors là, je vais raconter une très grande randonnée qu'on a faite donc la semaine dernière quand on était à la station de Latania. Alors, on a fait exactement la randonnée prévue, mais j'avais pas prévu qu'elle soit aussi longue. J'avais pas bien regardé le plan, donc j'avais pas vu la distance en fait. Voilà, c'est pour ça que c'était un peu long, très long même. Alors en fait, la distance, bon, à vue de nez, c'était dans les 25 km. Autant dire que c'est pas du tout le genre de randonnée auquel on est habitué. Mais bon, alors donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a dû démarrer vers 11h30 à Méribel-Motaret. Donc c'est au fond de la vallée de Méribel, la dernière station. Donc tout au bout, il y a le lac de Tueda. D'ailleurs, il y a une réserve naturelle qui jouxte le parc naturel de la Vanoise. Je pense même que c'est peut-être une partie, enfin en tout cas c'est un peu l'antichambre. Bon. Et donc il y a un lien à lac là, avec baignade interdite et pêche si on paye. Super. Ouais. Bon, donc on démarre au bord du lac et on s'enfonce entre les montagnes. C'est très plat au début, bien sûr. On passe une sorte de petit refuge, enfin un petit point d'information, et puis ensuite ça monte du sec entre les montagnes, superbe. Ensuite ça monte très doucement. Ah, une fois qu'on, là on a gravi, peut-être ça fait peut-être déjà une heure et demie, on est parti, et là ça redevient plat. Ça redevient plat ou quasi hein, à fond de vallée. Là, c'est un peu désolé quand même. Mais par contre, il y a des pics immenses de tous les côtés, donc c'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup d'herbe. C'est très austère. Mais c'est très beau. Et alors là, on continue un certain temps. On arrive à vers 14h. Ouais, donc ça faisait déjà 2h30 à peu près qu'on marchait. Et on arrive au refuge du Sceau. Alors le refuge du Sceau, donc là c'était tout au bout de la vallée, disons tout au bout, bon c'est un peu exagéré de dire ça, mais c'est tout au bout d'un endroit plat. Quand on est au refuge du Sceau, on avançait donc vers le disons sud-est avec le mont Valmont à droite. Donc au sud-ouest du refuge du Sceau. Il y avait d'ailleurs un chemin qui partait du refuge et qui partait vers le sud, sud-sud-ouest, au sud du mont Valmont. Et nous, on est parti donc vers l'est. Et là, ça a grimpé à nouveau un petit peu. Alors, pendant combien de temps, je ne saurais dire, mais ça grimpait. Pas trop dur, bon, ça allait. Ensuite, on se retrouve un peu dans un endroit pareil, un peu assez calme là. Et on progressait vers l'est. Alors, dans une vallée bien, bien large, le long d'un petit cours d'eau. Et c'était assez plat, relativement plat. Et là, on avait la possibilité, à un moment, donc là, à nouveau, bifurcation. Soit on continue vers l'est et ensuite vers le sud-est, vers un col très haut, assez impressionnant, qui arrive au sud de la position de Pralognan dans sa vallée. Soit on partait vers le nord, au col de Champ Rouge, vers le col de Champ Rouge. Alors là, par contre, il est très moins impressionnant. Ce qu'on ne savait pas, c'est que, d'accord, il était moins impressionnant, mais c'était seulement le premier col. Donc le col de Champ Rouge. Donc à ce moment-là, on devait être vers 2200 mètres d'altitude. Peut-être 2100, mais à fond de vallée. Et le col de Champ Rouge était à 2550 par là. Donc on a grimpé. Bon, bah c'était pas une. C'était une montée classique de col, donc des zigzags dans l'herbe, sous le soleil, très bien. Donc là, on est arrivé là-haut, peut-être il était 4 heures, à peu près. Donc mine de rien, pour nous, ça faisait déjà 4h30 qu'on marchait. Et on n'avait fait que grimper ou plat, quoi. Alors au col de Champ Rouge, on fait une petite pause aussi. Ah oui, j'ai pas parlé du refuge du saut, là, on s'est arrêté, c'est un vrai refuge. Il y avait un monde fou, on a bu un thé chacun, ça nous hydratait. Et on a aussi mangé une toute petite tartelette myrtille. Très bien. On le savait pas encore, mais ce serait très utile. Donc, col de Champ Rouge, donc on grimpe, là-haut c'est très beau, et tout à coup, ça y est, on a une vue vers le nord, vers la vallée, vers le nord. Donc, on est loin de voir Courchevel, en fait, hein, on est vraiment bien plus au sud. On savait ensuite que vers le nord, là où on devait aller, il y avait les lacs Merlet. Ils n'étaient pas du tout visibles, hein, malgré le fait qu'on soit assez haut, pas du tout visibles. Donc on est parti, on est descendu, là on a revu des marmottes. Peu avant le lac Merlet, d'ailleurs, on a revu des marmottes qui nous sont passées juste devant, quelques mètres devant, sur le chemin. Bref, magnifique, magnifique. Un peu plus tôt, au refuge du Sceau, on a vu des... Alors on pense que c'était des chamois, mais c'est possible que ce soit des bouquetins. On a un doute là-dessus, parce qu'ils étaient assez loin, on voyait pas très bien. Moi je dirais chamois, mais bon. Donc ensuite on descendait. C'est bon, voilà, on s'approche du but. Bon, enfin, cela dit, moi je savais que le relief serait encore très tourmenté, mais j'imaginais pas à quel point. On a commencé à remonter un moment vers les lacs Merlet. Et là c'était long. Là on est arrivé vraiment tard, hein, 5h30 peut-être à peu près. Bon. Et après le lac, les lacs Merlet, bon, deux petits lacs, avec un refuge à côté, où il y avait des gens qui manifestement devaient y passer la nuit, parce que c'était 6h du soir, ils étaient tranquillement installés, et ils bougeaient pas. Ils nous ont dit bonjour, on n'avait pas trop le temps de discuter, donc on a continué. On s'est retrouvé donc à grimper vers le col de... Passetta, un nom espagnol, hein, ou italien, plutôt. C'est à dire. Alors, Planchetta, je sais plus. Bon. On a grimpé. Là, on manquait un peu d'indices. C'est plus très loin. Voilà, on était peut-être à 2003. Là, on était encore direction sud. Autant dire qu'on s'était pas, depuis le début, on s'était pas encore approché de la voiture. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Enfin, on l'avait la puce à l'oreille, on commençait à s'inquiéter. Mais bon, sans plus à ce moment-là encore, ça allait à peu près. Mais quand on est arrivé au col, à ce col-là, je sais plus son nom. Bon, c'est pas grave. Vers le sud, on savait ensuite qu'on devait partir plein ouest. vers le col de Champrosat. Après, Champ Rouge, Champrosat. Bon, ils sont originaux, hein. Et là, on a dû grimper sur une piste de ski. Large, une route large, gravillonneuse. Enfin, le truc pas très agréable. Vraiment pas très agréable. Enfin, bon, bah, on voyait le truc, il était en haut, là. C'était assez dur, hein. Il y avait peut-être 150 mètres ou 200 mètres encore en dénivelé. Bon, on y va. Et là, on arrive en haut. Alors là, il n'y avait plus de chemin de randonnée. Hein. C'est-à-dire que partout, on avait des tas de panneaux indicateurs qui nous disaient la bonne route. Sauf que tout, à partir du lac Merlet, là, on nous disait tout vers le sud, vers le nord, pardon, donc vers Courchevel. Mais rien pour passer tout ce qu'on avait encore à faire pour retourner du côté de Méribel. Et du coup, quand on était au col dont j'ai oublié le nom et qu'on devait partir vers l'ouest, vers le col de Champrosat qui était encore plus haut, vers 2500 et quelques, là, on n'avait aucune pancarte. Il y avait des noms de pistes de ski. Bon, on était bien avancé avec ça. Bon, enfin, on savait qu'on était sur la bonne direction. La carte, il n'y avait pas de souci. On savait où on était, mais bon. Donc, on arrive en haut du col de Champrosat. Et là, la vision était assez magnifique et un peu terrifiante. Parce que, en gros, je vous dépeins le truc. Alors, il y avait un énorme creux. Un creux. Ouais, c'est vraiment profond, quoi. C'était vraiment l'entonnoir. Tout vert, tout bien vert. Mais alors, quel entonnoir. Et en face, loin en face, donc, il y avait le Mont Solire. Alors, le Mont Solire qu'on avait gravi la veille ou l'avant-veille. La veille, je crois, ouais. Une petite balade de 3 heures. Alors, en haut du col de Champrosat, il devait être 6 heures. Et là, on voyait donc le Mont Solire. Et on voyait le pic du Fruit. Alors, je ne vous ai pas dit, mais on a tourné autour du pic du Fruit. On devait passer au sud du pic du Fruit. Et là, on le voyait bien, le pic du Fruit. Le pic du Fruit était vers ouest-sud-ouest, à peu près. Et Solire était au nord-ouest. Et devant nous, il y avait que le choix de descendre dans le creux. Il y avait que, de chaque côté, c'était les aiguilles, les arêtes. Bon. Donc on est descendu. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de chemin. Donc on a beaucoup souffert. Beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Descendu le chemin, là, c'était pénible. Très pénible. On cherchait un peu le chemin. On a trouvé un, mais le problème, c'est qu'il y avait des éboulements rocheux, des éboulis, pas de gros rochers, mais des éboulis qui recouvraient le chemin sur parfois de grandes distances. Et donc, c'était un peu chaotique. Et en plus, on perdait de vue le chemin et c'était un peu casse-gueule. C'était tout lisse, donc c'était un peu casse-gueule. Enfin, bref. Donc, on avait des bâtons. On était contents, heureusement. Et alors là, on n'était vraiment pas fiers. Là, on parlait quasiment plus. Le stress... moi, j'essayais de pas monter mon stress, mais... Je le montrais puisque je parlais pas. Et Karine, elle était stressée. Bon, donc on voyait le col du Fruit de l'autre côté. Le problème, c'est qu'il était un peu plus haut que notre position. En fait, non, il était légèrement plus bas, quelques mètres en dessous, toujours au-dessus de 2005. Mais entre temps, on devait descendre dans un trou qui devait être un peu moins de 2002. Et il était 6h du soir, quoi. Donc on voyait le soleil encore, et puis au fond du creux, bah, il était derrière le soleil. Hein. Il commençait à descendre nettement, et était derrière la montagne. Donc au fond du creux, on a retrouvé le chemin. Enfin, on a retrouvé des pancartes, parce que le chemin on avait à peu près, mais on a retrouvé les pancartes. Et les pancartes indiquaient d'un côté... il montrait pas le col de Solire qui était entre non, mais il montrait le col du Fruit. Mais quand même, elle montrait aussi l'autre voie. Bref, on est monté, et là on a commencé à gravir vers le col du Fruit, donc bon voilà, on est monté, il a fallu... je sais pas, le temps de la descente, tout ça, j'ai un peu oublié les heures, mais il était à peu près 7h30 quand on était dans l'ascension vers le col du Fruit. Donc voilà, alors là c'est une montée, une des plus raides qu'on ait faite, avec beaucoup de rochers, donc des marches de 40 cm à grimper, donc alors qu'on avait déjà marché un certain temps, il était donc on avait déjà marché peut-être 8 heures, quoi, voilà, à peu près. Bon, avec une demi-heure de pause au refuge du Sceau, et puis 5 minutes par-ci par-là. Donc autant dire qu'on avait déjà quand même bien marché. Donc là, bon, bah, ça allait encore parce qu'on avait le stress, tout ça. Bizarrement, j'avais pensé à demander à Karine de mettre du sucre, il y avait des dosettes de sucre. Et on les avait rajoutées dans le sac. On avait déjà mangé presque tout ce qu'on avait. Mais on se rationnait déjà depuis longtemps. En eau, en tout cas, et même en bouffe. Et on a mis des dosettes dans le fond d'eau qu'on avait de notre bouteille. Et ensuite, on a bu un peu. Donc voilà, c'était pour avoir un peu plus d'énergie. Donc on a grimpé cette colle du fruit. Et puis, bon, en haut, bien sûr, à 2005, il commence à faire frais. Vers 7-8 heures vers 8 heures du soir, là, il commence à faire frais. Et on voyait les nuages sur les aiguilles, bien sûr. Mais sur l'aiguille du fruit, avant qu'il y ait un nuage, on a vu quelque chose de magnifique. On a vu des bouquetins. Alors, enfin, des. On a vu au moins un, peut-être deux. Mais ce qui était magnifique, c'est que l'aiguille du fruit était très pointue. Nous, donc, on avait la tête vers le haut, dirigée vers le col du fruit. Et dans l'alignement du col du fruit, il y avait le pic du fruit qui dépassait. Et tout en haut du pic du fruit, il y avait un bouquetin. Mais vraiment tout en haut, hein, la pointe. Et le bouquetin, dans toute sa. Là, on voyait sa silhouette magnifique avec les cornes bien prononcées. Donc, il nous regardait de face, là. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là, À cette heure-là, d'habitude, je suis tranquille pour faire mes courses. Bref. Et à un autre moment, je l'ai vu de profil, là. Il tournait sa tête vers l'est. Donc, son corps était vers nous, mais la tête dirigée vers l'est. Donc, on voyait bien la tête majestueuse avec ses cornes. Bon voilà, c'était tout ça, il était encore dans le soleil, là, c'est superbe. Sauf qu'ensuite sont arrivés les nuages, avant qu'on arrive en haut. Hein. Et ça nous a un peu refroidi, parce que quand on est arrivé en haut, aïe aïe aïe, on était sur une crête. D'abord, moi j'avais un peu peur, parce que vu de loin, le chemin pour monter en haut du col du fruit, là où on était, on avait l'impression qu'il fallait s'accrocher à l'air pour pas tomber, à l'herbe pour pas tomber. En fait, non, ça allait, à cause des zigzags, tout ça, bon, ça allait, mais quand même, c'était le gouffre d'un côté. Et on arrive sur le col, et de l'autre côté, ça, bien sûr, ça redescendait assez fort aussi, très fort. Mais il n'y avait plus de rochers. Par contre, on croyait un peu la libération. C'est-à-dire, en arrivant haut, maintenant, on n'avait plus qu'à descendre jusqu'à la voiture, même si elle était encore à des kilomètres. Eh ben oui, mais non, ça aurait été trop simple. Le nuage était là. Sur ce versant, il y avait un nuage qui était complètement accroché. Et du coup, ça nous a complètement refroidi en fait. C'est dommage parce qu'on était, en, comme on voulait avoir le moral, on attendait avec impatience cette vue salvatrice et d'être rasséréné par ça. Mais non, on se prend le gros nuage bien frais et qui nous cache toute la vue et qui nous cache même une partie de la descente. Donc on se dit que descendre là-dedans, ça va être l'enfer. On avait encore des petites choses à manger, je sais plus, taboulé, pomme. On mange ça là-haut. Et là, du coup, on mange, on est à moitié frigorifié, donc bref, pas terrible les conditions. Puis surtout, on stressait avec le nuage. Donc on mange vite, et puis on redescend. Et là, zigzag dans l'herbe. En soi, rien de problématique, mais bien sûr, les genoux réchauffent à la descente, comme toujours. Donc on avait un peu mal aux genoux, mais bon, normal, quoi. Descendu, descendu, descendu, puis on arrivait enfin à fond de vallée. Et là, du coup, à fond de vallée, c'est avant le refuge par rapport à l'endroit où on est monté, parce qu'à l'aller, on n'avait pas pris cette boucle-là. Donc on n'avait plus très long, quoi. On avait peut-être, ouais, à l'aller, on avait mis peut-être 1 h 30 pour venir là, sauf que bah, il était 8 h 30 du soir. Et là, soit on avait le choix, et j'ai fait le mauvais choix, Karine voulait l'autre, et j'avais mes arguments, bref, enfin, donc j'ai insisté pour... Bref, j'ai insisté pour ne pas prendre la même route qu'elle allait, parce qu'on pouvait passer de chaque côté du lac Tueda. D'un côté, c'était très plat et ensuite ça montait assez fort, là où on est passé à l'aller. De l'autre côté du lac Tueda, on était dans une forêt. Une forêt qui remontait un peu à partir de la position où on était, un peu plus que de l'autre côté. Mais ensuite, que je pensais descendre doucement vers notre position à Méribel. En fait, pas vraiment, ça a monté plus que prévu. Et la descente s'est faite à la fin, quoi, assez brutalement. Et surtout, on était dans la forêt. On était dans la forêt alors qu'il était, à la fin, il était 10 h du soir. Donc c'était un peu mauvais, ça. Alors que si on avait pris l'autre parcours, on aurait certes descendu un peu dur au début, mais on était sur une partie où on avait encore pas mal de visibilité. Et en bas, au bord du lac, c'était tout plat, tout lisse, très large. On risquait rien. Au lieu de ça, je nous fais monter encore un peu. Dans la forêt, donc à la fin, plus de visibilité dans la forêt avec le sentier qui était pas très bon, avec beaucoup d'humidité, de ruisseaux à traverser, un peu de gadou. Et en plus, on a dépassé notre position de départ, et on a dû faire marche arrière, descendre dans la ville de Miribel des rues en bitume, alors qu'il était 10h15 du soir, il faisait noir. Bon, là, c'était pas grave, ça, bien sûr. La forêt, par contre, juste avant, si. Bon, en fait, on est arrivé vraiment au moment des dernières lueurs. Le soleil était couché, bien sûr, mais on avait encore quelques petites lueurs, ce qui fait qu'on n'était pas dans la nuit noire, quoi. Voilà. Donc voilà, bilan arrivé à 10h, ouais, 10h15, 10h30, quoi. Donc, la plus longue randonnée de ma vie, presque, combien? 11h? Ouais, 11h de randonnée quasiment. Bon, avec bien sûr une toute petite pause, mais pas beaucoup. Et puis surtout, bon, dans les 25 km. Et puis surtout, en tout, j'ai fait le calcul à peu près, sans compter tous les micros dénivelés, mais à peu près 1,5 km de dénivelé positif. Bon, ça, en 11-12 km, c'est pas énorme, mais bien sûr, c'était mal réparti. Et voilà. Donc voilà, c'était la randonnée magnifique, donc qui était donc au sud du massif de la Solire, dans le parc de la Vanoise, dans le parc naturel aussi de Tueda, la zone protégée. On était à un moment donc plus près de Courchevel que de Méribel, donc ça veut dire qu'on a vraiment on a contourné toutes ces deux ces vallées là, les fameuses ces deux vallées sur les trois. On est allé vraiment derrière au sud et donc dans des lieux très magnifiques, mais la randonnée était un peu longue pour nous, donc on a un peu souffert. Mais bon, on s'en est bien sorti. Le lendemain, on s'est reposé. On en avait besoin, je crois. Et le surlendemain, on a peu marché. On a marché, mais on a fait une randonnée, mais bon, pas énormément non plus. Voilà. D'ailleurs, le lendemain, on s'est baladé jusqu'à, notamment, en voiture, hein, jusqu'à. Alors, après Bozelle, j'ai oublié le nom du bled. Zut. Bozelle. Alors, c'est dans la Tarentaise. Ben, je ne sais plus du tout. Et là, c'était vraiment très sympa. On s'est badé dans la ville. Et on a croisé deux couples ennemis, on va dire, qui étaient en gîte là, et qui prenaient leur repas. Il était 3h d'après-midi, ils finissaient de manger. Ils finissaient de manger dans la. Sur la. Sur une petite. Tout petit coin de jardin, en pleine rue, mais une petite ville. Mais c'était quoi cette ville? Et là, donc on s'est mis à se parler, et puis on s'est arrêté peut-être 2 heures. On a chanté avec eux, moi j'ai bu, ils avaient un bon cubi de rouge bio, le rêve. Donc voilà, on a passé un très bon moment, et on s'est bien reposé, on a bien parlé. C'était des gens qui étaient de la Creuse et du massif des Bauges, un comte de Savoie. Voilà, donc c'était des gens très sympas et on a passé un très bon moment. Voilà, idéal pour se remettre d'une randonnée pareille. Voilà, c'est tout pour cette petite tranche. Le nom de la petite ville où on a parlé aux gens après Bozelle, là où on s'est arrêté avec eux, tu te souviens? Donc on sait plus le nom de la ville. On s'est arrêté pour boire un coup. Voilà, c'est tout cette fois. Alors, un résumé des balades qu'on a faites à partir de Saint-Jean-d'Arve. En fait, on a vraiment fait quatre belles randonnées. Alors, la première, c'était laquelle? Ah oui, c'était le Mont Charvin. Ben, c'est facile, hein. Parce que nous, donc, on était à La Châle, qui est l'un des hameaux de Saint-Jean-d'Arve. C'est le hameau le plus touristique où il y a beaucoup de constructions récentes. Bon, ça va, il n'est pas défiguré, mais c'est vrai que c'est des gros chalets, donc ils sont beaux, mais bon, on n'est pas dans le gîte perdu au milieu d'un hameau authentique non plus. Donc, on est sur un versant. On est sur la Drée, donc le versant exposé sud d'une crête. Et à l'extrémité est de la crête, pour être plus précis, à l'extrémité est-sud-est de la crête, il y a le mont Charvin, qui domine la vallée d'Arvan, de l'Arvan, vallée de l'Arvan, et donc duquel on peut voir Saint-Jean-de-Maurienne au nord, Albier le Jeune et le Vieux au nord-est et à l'est, Saint-Jean-d'Arve au sud-ouest, et même Saint-Sorlin-d'Arve encore plus à l'ouest. Donc on a démarré d'un autre petit hameau de Saint-Jean-d'Arve qui s'appelle Le Villard. Alors c'est pas une grosse balade, mais il faut quand même, je crois qu'on a mis quand même à peu près 4 heures en tout. On a mangé en haut tranquille. Donc le temps était moyen, donc on voulait pas démarrer trop. On voulait pas faire une très longue rando, puisque les randos plus éloignés, il y avait plus de nuages, donc voilà. Alors c'est pas mal, on est parti du Villard, donc qui est au pied du Charvin, à l'est de Saint-Jean-d'Arve. Donc on est parti de là, en fait une randonnée où on est vite dans le bain. On l'a démarré, ça a monté assez vite. Ensuite c'était des chemins de zigzag un peu sur une forêt assez récente qui a été replantée sur la Drée du Mont Charvin. Et puis donc on a atteint un premier hameau. Là il y a une espèce de petit, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de petit, un petit méplat là, à un endroit de la montée. Et puis la deuxième partie, par contre, vers vraiment où on prend d'assaut le mont, là le relief, là c'est très très pentu en fait, parce que c'est une route qui sert à personne quasiment, quoi. On voit pas trop l'intérêt, c'est vraiment le sentier à touristes entre guillemets, parce que il n'y a pas de vaches, c'est pas un sentier de passage, donc voilà. Donc on est monté là, alors ça montait vraiment sec, ouais, à la fin, de la terre, des racines. Assez lisse, puis bon, bien sûr, les mottes de terre qui font un peu marche sur les côtés. Voilà, on est monté facilement, mais c'était éprouvant. En plus, bon, je sais pas si on était acclimaté avec la semaine d'avant, mais en tout cas, il a fallu qu'on respire un peu quand même. Donc, on a atteint le mont Charvin vers 14 h, je crois. On a mangé là-haut, on est redescendu. Donc là-haut, on a effectivement une très belle vue. On voit aussi au nord. Au nord-ouest, on voit la Toussuire et le Corbier. Deux stations. Je crois que le village du Corbier est beau, mais après, il y a le Corbier vacances et puis la Toussuire. Oh là là, là, on a droit à des barres d'immeubles. C'est un peu. Mais ce qui est bien, c'est que le Charvin n'a pas de remontée mécanique. Donc, au moins, il n'est pas défiguré par ça et ça change tout. Alors, le Charvin, on devait être à 2000. 2002, je crois, et on est parti à 1006, donc on a quand même dû faire dans les 600 mètres de dénivelé. Voilà. Ça, c'était la première rando. La deuxième, eh ben, je crois qu'on a attaqué les aiguilles d'Arve, c'est-à-dire qu'on est parti de Chalmieux. Alors, Chalmieux, c'est à l'angle droit un peu de la vallée de l'Arvan, à l'endroit au-dessus de Montrond. Donc c'est la vallée qui conduit au pied, disons, au pied de la vallée qui conduit aux aiguilles d'Arve, à l'endroit où au-dessus du d'Albier d'Albier le Vieux. Alors là on est parti de là et en fait bon, au pied des aiguilles d'Arve évidemment on peut pas y grimper pas à notre niveau. Donc on est parti direct vers le sud ouais à peu près vers le sud je crois. Ouais. Et là, c'était une belle rando, une route, quasiment une petite route non bitumée au départ, et on s'est garé le plus loin possible quasiment, hein, puis après on a marché sur cette route. Ensuite, ça s'est transformé en sentier quand on partait vraiment vers alors la basse du Galibier, c'est le col, c'est un petit col en fait, à 2005 quand même. Qui est au pied des aiguilles d'Arve et qui permet de passer dans la vallée qui est plus à l'ouest. Donc au nord-ouest, il y avait le mont Falcon. Alors j'ai marché ensuite, à partir de la base du Lélibiers, j'ai marché un peu sur la crête pour me rapprocher du mont Falcon. C'était assez beau. Voilà, bah, les aiguilles d'arbres magnifiques. Vues d'en dessous, elles sont encore un peu plus grosses, bien sûr. C'était une belle rando, agréable. Alors surtout, on a vu un nid de marmottes à la montée à droite, avant d'attaquer vraiment la dernière grimpette vers le col. Donc en bas, là, il y avait tout un réseau de tunnels, je pense. Enfin, en tout cas, une tribu de marmottes. Alors on a vu des adultes se battre un peu, enfin se battre ou jouer, je ne sais pas, en tout cas sur les deux pattes arrière. On a vu des petits, bref. C'était très beau. Bon, on n'était pas tout près, hein, on était à plusieurs dizaines de mètres, mais avec nos jumelles, et puis voilà. C'était beau. Donc une belle balade qui est quand même. On a mis plus de temps là, hein. On a peut-être mis dans les 5 heures, je ne me rends pas compte, mais c'était un peu plus long. Alors ensuite, le lendemain. Alors le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait? Oui. Excusez-moi. Donc, le lendemain, on est parti. Alors, quand on part des Chambons, les Chambons, c'est la commune de Saint-Jean-d'Arc qui est au fond de la vallée de l'Arvan, enfin qui est au Talweg, si on veut. Et donc, on remonte de l'autre côté, du côté sud, et on monte à la Curia. Là, on s'est garé et on est parti sur le flanc de l'Ornon. On a monté lentement sur le flanc, sans zigzaguer parce qu'on allait on allait vers le sud tout le temps. Et on a atteint le col de l'Ornon, voilà, qui était à quelle altitude? Pas très haut, autour de 2002, mais on partait d'un peu plus bas quand même, autour de 2005, ouais, à peu près. Donc tout de même un dénivelé d'au moins au moins 600 mètres sans doute à ce niveau-là. Et puis, mais là, plus dans la longueur. Ça montait très régulièrement. C'était pas très beau, mais enfin, on avait une famille avec un âne, qui était d'ailleurs un peu embêté parce qu'un chien les suivait comme si c'était l'ami de l'âne, sauf que, enfin, il lui mordillait les mollets, alors il devait protéger l'âne. Enfin, bref, c'était compliqué pour eux. Donc, on est monté là. On partait de plus en plus tôt, c'est simple, hein, tous les jours un peu plus tôt. Donc on a atteint le col de l'Ornon, qui est donc tout au sud, l'endroit où on bascule dans la dernière vallée, une vallée qui est au sud de Saint-Sorlin. Et on est descendu dans cette vallée. On voulait faire le tour du massif, si on peut parler de massif, de la crête de l'Ornon. Alors on est à. Quand on a redescendu du. Donc on a fait une pause là-haut sur le col, on a mangé un peu bien sûr, on est monté sur une petite boule, on a vu un troupeau de moutons là-haut qui paissait. Qui broutait, pardon. C'est pas pareil, le mouton ça broute. Et on est redescendu de l'autre côté du col, mais pas vers le nord tout de suite. On continue encore vers le sud. Pour ne pas faire trop de zigzag en fait. Hein. Et là, voilà, là on a descendu jusqu'au fond de vallée. Ce faisant, on a rencontré pas mal de champs à vaches. Et on a croisé des vaches qui étaient très affectueuses de génisses a priori. De jeunes génisses qui nous ont léchés de partout, qui étaient vraiment contentes. Alors c'était un peu ouf. On a un peu peur qu'elles broutent le t-shirt. Ah non, qu'elles mâchent le t-shirt. Bref. Donc on est passé et c'était sympa. Ensuite on a atteint le fond de la vallée et là on a vite rejoint l'endroit où j'avais déjà randonné des années plus tôt, à partir de Saint-Sorlin, un fond de vallée. Alors j'ai oublié le nom, les prés, je sais plus quoi. Alors là, il y a un col plus au sud qui aurait été peut-être beau, mais là, il fallait encore 2 heures de plus. Bon, ça aurait fait 4 heures de plus, alors que notre rando en tout a duré quand même un peu. Donc, on est resté peut-être 7 heures dehors. Donc, non, c'était déjà bien. Parce qu'après, donc, il fallait revenir par la vallée, là, donc jusqu'à Saint-Sorlin-d'Arve. Là, on a eu de la chance. On est arrivé pile 20 minutes avant le passage du Tour de France. Donc on s'est installé, on a pris un petit verre en terrasse et on a regardé le Tour de France passer sous le soleil. C'était très très bien. Bon, le Tour de France lui-même, les voitures, les motos, les voitures, les motos, les voitures, les motos. Ah, deux vélos, perdus au milieu. Ah bon, c'était la tête de course, très bien, mais ça dure 10 secondes, bon. pas passionnant pour nous des masses, mais c'était pour plus pour voir l'ambiance, amusant. Bon, on n'a pas vu la caravane du tour, ça aurait peut-être été beaucoup plus drôle pour nous en fait, mais bon. Donc voilà, on était à Saint-Sorlin. Ensuite, on voulait donc revenir à Curia, au-dessus des Chambons. Des Chambons, hein, pas des Jambons, attention. Et là, au lieu de suivre la rivière, on voulait suivre un beau sentier, donc on est remonté. On est remonté sur un sentier qui est sur. Alors, c'est pas l'adresse, et l'autre, c'est l'envers. Ça peut-être porte un autre nom, enfin bref. Sur l'envers de leur nom. Donc, le problème, c'est qu'à partir de Saint-Sorlin, il a fallu qu'on marche à nouveau pour rejoindre le sentier. Et surtout, ça grimpait à nouveau de 100 mètres, puis ça redescendait, puis ça regrimpait. Donc là, on a eu un bon dénivelé encore de facile 150 mètres, peut-être 200 encore à nouveau cumulé. Donc, bon. Et on a enfin atteint la voiture. Donc il fallait encore 1h45 à peu près de Saint-Sorlin pour rejoindre la Curia par ce sentier-là. Surtout qu'on a eu un peu de mal à le trouver au début. On a marché un peu pour rien. Voilà, donc ça c'était une belle rando aussi, on a fait le tour, on n'a pas vu de bêtes spécialement, là on n'a pas vu de grosses bêtes. Et puis alors la dernière qu'on a faite hier, là on est parti de. Alors on est parti du col du Glandon, c'est-à-dire qu'on est allé au col de la Croix de Fer, ensuite on a continué pour rejoindre le col du Glandon, qui est 100 mètres en dessous. Alors pourquoi un col? Comment on peut avoir deux cols qui suivent? Oui, c'est vrai, c'est une question ça. Parce que le col de Croix de Fer, c'est un col est-ouest. Pour passer vers l'ouest quand on part de Saint-Sorlin-d'Arves. Mais une fois qu'on l'a passé, on a à nouveau une vallée nord-sud qui a un col, le col du Glandon. Au nord, c'est Saint-Colomban-les-Villars et au sud, c'est un barrage avec un beau lac. Donc, on est parti de ce col, et là on a grimpé, alors c'était vers le... On est parti du col du Glandon, et à pied on a rejoint le col, toujours un col, là, il y en a plein, le col de la Croix, qui est juste au-dessus du lac de la Croix, qui est 100 mètres en dessous. Donc là, on devait atteindre 2550 aussi, à peu près, et on est parti de 1900, donc c'est 600 mètres, c'est faisable, hein, c'est un peu dans la bonne moyenne. Par contre, des passages un peu difficiles. On le savait, mais on a rencontré des gens, on a rencontré pas mal de gens. Elle est assez prisée cette randonnée. Elle est aussi dans mon livre sur la Maurienne, donc des belles balades de la Maurienne. Donc c'est pas surprenant qu'il y ait du monde. Et alors, y a un truc que je parle pas tout de suite. Je vais garder un peu le suspense. Donc on démarre la rando. Au début, bon, il faut rejoindre vraiment l'endroit où ça grimpe, donc on monte, on descend un peu, bon, on descend, on monte, bon. Et puis ensuite, ça part à flanc de montagne pour rejoindre une vallée perpendiculaire à la grande vallée nord-sud. Et là, bon, il y a déjà eu un endroit donc où le c'était assez pentu, sauf que c'était en dévers, quoi, donc... on avait une petite piste qui faisait 20 cm de large, et puis de chaque côté, ça montait fort et ça descendait fort. Et à un endroit, la roche était lisse, là. Il n'y avait pas de sentier, sur quelques mètres seulement, mais il y avait à peine des petits endroits où on pouvait un peu poser le pied. Mais ça a valu à des gens qu'on avait déjà croisés de devoir faire demi-tour pour cause de crise de vertige. C'est frustrant, hein. 20 minutes après le début d'une randonnée comme ça, devoir faire demi-tour. Surtout, bon, après c'était pas une randonnée facile, mais il y avait plus ce genre de choses, donc bon. Donc on est passé, et puis voilà, après on a monté, c'était très beau, il y avait une belle petite rivière, un ruisseau amélioré là plutôt, très chouette. Donc on a grimpé doucement, c'était bien, c'était calme, et puis progressivement, on a eu des passages de cailloux de plus en plus marqués. Des vrais petits rochers, on devait aller de rocher en rocher avec des petits cairns, je dirais, de randonneurs ou des cairns de touristes qui nous montraient le chemin, et c'était nécessaire parce qu'effectivement on voyait plus du tout la piste par moment. Donc ça c'était le premier point amusant. En plus il faisait encore un soleil radieux, c'était magnifique. On a grimpé et puis on est arrivé à des névés. Alors là, c'était bien. D'un côté, à un moment, la vallée se rétrécissait grandement, en fait. On avait d'un côté une névée, un névé, il faudrait que je regarde quand même. Ensuite le ruisseau, et puis ensuite des pierres, des rochers hein, plutôt, fallait bondir. Alors nous, la piste était du côté gauche, donc du côté du névé, donc on est resté dessus. On allait grimper dessus, puis un monsieur nous a conseillé de pas le faire parce qu'il y avait il avait traversé le névé. Et effectivement, je voyais le trou, c'était lui. Bon, alors on a compris que c'était un peu risqué. Donc on a grimpé sur des rochers, un peu à la verticale, à un endroit, mais sur quelques mètres seulement, où on a vraiment grimpé à quatre pattes, quoi. Sans les bâtons. Voilà, on a passé ce passage difficile. Au retour, on est passé de l'autre côté, sur les rochers. Donc, c'était bien. On traversait plein de fois le ruisseau. On allait de rocher en rocher, bondissant. C'était magnifique. Ensuite, une fois qu'on avait passé ce passage, là, bah, ça grimpait toujours fort. Il y avait quasiment plus de végétation. Et des névés, dont plusieurs vraiment assez longs. On a dû marcher 100 mètres dessus, avec les bâtons, heureusement, parce que c'est vrai quoi. C'est toujours un peu pentu et on avait très peu de. Enfin, on glisse beaucoup, quoi. Voilà, donc on est passé, on a fini par atteindre le lac de la Croix. Voilà. Et il restait encore 100 mètres, donc 20 minutes seulement, mais c'était raide et c'était bien. On a enfin atteint un col, encore un, le col de la Croix, donc. Alors, pourquoi il est magique ce col? Parce que il délimite, c'était l'ancienne frontière entre la France et la Savoie. Donc c'est une frontière qui a disparu il y a 148 ans, c'est ça, puisque c'est 1860. Donc une frontière qui a disparu 148 ans plus tôt. Alors pourquoi le col de la Croix? Alors j'ai ma petite idée, c'est que une fois en haut, il y a la borne frontière. Et la borne frontière, c'est pas une borne vraiment. C'est un, y a un y a, bon, c'est bien sûr il y a des rochers là-haut. Il y en a un qui est gravé sur ses deux faces. Sur la face ouest, non, sur la face est, il est gravé avec l'écusson de la Savoie, donc le drapeau suisse, hein, rouge, le croix blanche sur fond rouge, avec la date 1689 tout de même. Je pense que donc c'est gravé en relief, un beau relief, et par contre ça a dû être repeint depuis. Et de l'autre côté, c'est amusant parce que c'est la France, mais c'est pas écrit, c'est pas le drapeau français, c'est la fleur de lys. Pourquoi la fleur de lys? Parce que la date, c'est pas 1689, non, pas du tout, c'est 1823, donc pendant la Restauration, donc pendant encore la royauté. Du coup, on a eu droit à la fleur de lys. Donc, col de la Croix, sans doute pour la croix de l'écusson savoyard, c'est probable. Voilà, donc c'était magnifique, on a encore mangé un petit coup là-haut, bien sûr, en regardant la France, et en France, on voyait le massif de la Chartreuse. Donc c'était très beau. Et puis on a fait demi-tour, on est rentré, ça fait une balade en. Bon, on a fait quelques pauses, hein, donc ça fait 5 h 30 de balade, voilà. Sous un très beau soleil. Donc une balade très agréable parce que, sans doute dû à l'irrégularité du terrain, on était. Enfin, de mon côté, j'ai pas senti mes genoux à la descente, malgré les 600 mètres. Sans doute parce qu'il y avait, c'était très irrégulier, donc on sautait de rocher en rocher, c'était pas la même chose. Mais vaut mieux avoir le pied sûr pour cette balade-là. C'était, d'un point de vue technique, c'était la plus dure. Point de vue longue durée, là non, mais voilà. Donc une très belle balade. On a terminé, on était content, vraiment très content de cette balade. Voilà. Bah, c'est tout pour les randonnées à Saint-Jean-d'Arve, car le lendemain, on a simplement fait un. On s'est baladé dans les arbres avec un parcours accrobranche. Enfin, là, ça s'appelle Arventure. Jeu de mots. Voilà, donc c'est histoire de changer un peu. Bon, bah, c'est tout pour Saint-Jean-d'Arve.